1997, c'est le 20 ans d'existence d'un groupe, Viva la Musica, de Reddy, Stino, Demoukoussé, Janana. Toute la première équipe, c'est-à-dire Jado les Cambodgiens, Espérant Chakara, Bipoli Nafulu et Petit Aziza. Yaï. Tester et Menea. De Baba. Fafa de Molokai, Bongo Wendy, Ringo Starr, Juva. C'est le Leroy, Gloria le Grand Bouloubutou, Joli Mobiala, Tina, Asta Paola, Iko, Demokuse, Timololo, Keiko, et Janana, le doyen. Un bon nombre d'amis qui sont décédés aussi, qui ont commencé dans ce groupe-là. Edino, Pecho ou Apecho, Strevos Nyarkos, Julman, Mickey Joe, Kula Mambo. Il existe toujours ce groupe-là. 20 ans. Je dirais quelque part que je suis heureux parce que nous avons tenu bon. Toujours à la pointe de la nouvelle vague. En 1970, ils fondent un groupe qui, 20 ans plus tard, fait toujours vibrer Kinshasa, le Zaïko Langa Langa. Il faudra attendre 1974 pour qu'il explose enfin et forme son premier groupe, Viva la Musica. Un nom qu'il emprunte à un autre rebelle de la musique. Ce rebelle s'appelle Johnny Pacheco. Reddy Amici, il est dans Viva la Musica, ça doit faire au moins 15 ans que j'existe, que je vis dans Viva la Musica ou à côté de papa Wemba. C'est très important aussi pour le mélomane. Reddy Amici n'a jamais quitté l'orchestre Viva la Musica. Reddy Amici ne fait pas sa carrière en solo. Reddy Amici, il essaye de promotionner les albums qui sortent en solo. C'est-à-dire quand il fait un album qui sort, il faudra qu'on fasse la promotion de l'album. Et quand je fais la promotion de l'album, j'essaye de faire les radios, et j'essaye de faire les télés, et il y a des concerts aussi qui suivent. Mais Reddy Amici, il reste toujours dans Viva la Musica. Et si je restais 15 ans, je restais 15 ans pour servir Viva la Musica. Et aujourd'hui, je pense que je continue à servir Viva la Musica et de servir Reddy lui-même pour faire ses albums en solo. Ça représente beaucoup pour moi parce que ni t'étais Viva la Musica, je ne serais non plus là devant vous à vous répondre. Donc Viva la Musica, c'est la base de tout pour moi. Et ça me fait vraiment un grand plaisir d'être encore dans ce groupe que j'adore bien, quoi. Le papa, c'est notre exemple parce que nous, ça fait au moins 10 ou 11 ans qu'on est venu ici, rien que pour la musique, faire de la musique. Et papa, il évolue en international, donc c'est une chance aussi pour nous d'en profiter, de voir un peu différemment les choses, comment dont il se passe aussi dans d'autres pays ou d'autres continents. La création et la jeunesse de Viva la Musica, si j'ai fait, comme je viens de vous le dire, j'ai fait 8 ans quand même dans le groupe. Normalement, je ne devais même pas mettre un titre. Je devais normalement mettre 2 ou 3, si je vois bien, selon l'âge que j'ai fait dans Viva la Musica. Mais ce qui m'a fait plaisir, on m'a quand même permis de mettre une chanson. Et ce que j'ai mis, ça s'intitule Joe. C'est la 8e chanson dans Nouvelle Écriture. Et puis voilà, c'est une chanson d'amour. La nouvelle écriture veut dire, je ne sais pas si vous comprenez pas peut-être Lingala, il y a d'autres paroles qu'on a mis à l'intérieur. On a dit Bapeti Bakoli, mais Talaraka. Vous savez, aux Zaïre, quand on parle de misé, donc c'est presque toute la République démocratique du Congo qui s'y présente. Hein. c'est ça, de temps en temps, de tous les temps. Et que Bibala Mujika, et que Viva Papa Wemba. Na Molokai, c'est na Katsa Molokai. Un grand mouvement d'art, d'ambiance, de système, de culture. On y trouve une culture vraiment qui globalise Viva la Musica et avec les formateurs des idoles Papa Wemba. Qu'on ressente ou qu'on s'approche un peu de la réalité de Viva la Musica. Parce qu'elle s'éloigne parfois de nous, parce qu'on a du mal parfois à nous positionner vis-à-vis de la grandeur de l'entreprise Viva. Quoi. Ouais. J'espère qu'un jour on se rendra compte. Parce que Papa Wemba il fait une carrière formidable ici en Europe, depuis les pays. Et son désir était de travailler en Europe. Bon, si j'ai dit qu'il a réussi, mais il continue à défendre l'honneur de mon pays, qui est le Congo démocratique. Et bon, partout, il fait tous les continents. Il est toujours à cheval, Viva la Musica, Molokai. Tout. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui vit de la musique. Donc, c'est un grand monsieur. Suka.